En Corée, divers secteurs de l'économie nationale remportent des succès dès le début de la nouvelle année. Le complexe thermoélectrique de Pukchang s'applique à créer la capacité de production de l'énergie électrique, alors que le complexe thermoélectrique de Pyongyang et la centrale thermoélectrique de Pyongyang-Est s'efforcent pour introduire la technique d'allumage par anthracite sans l'huile lourde. Les grandes centrales hydroélectriques de tout le pays livrent la campagne de l'accroissement de production électrique en augmentant la part de nationalisation des équipements. Le complexe houillé du district de Guangdong et le complexe houillé de la jeunesse du district de Suncheon dépassent tous les jours le plan de production, alors que les entreprises d'exploitation forestière et de production des tensons relevant de la direction d'exploitation forestière de la province du Jiangsu produisent chaque jour à 123% les troncs d'arbres. Les mines et usines relevant du ministère de l'industrie d'extraction dépassent leur plan. Surtout la mine de Sangnon accomplit à 140% le plan journalier. Par ailleurs, les permanentes et membres de l'Union des femmes du pays encouragent les ouvriers et les paysans à remporter des succès innovateurs dans la marche de la nouvelle année, dans les grandes bases énergétiques, les mines houillères et les champs.